Are you ready? Let's go! Rail Suprême. Deux heures. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? C'est parti comme chaque dimanche soir, bienvenue à vous tous, Rail Suprême, Case est là, comment ça va Case? Très bien. En pleine forme, tu n'es pas venu seul j'ai l'impression ce soir. Bah non, on a ramené l'ambianceur qu'on a déjà amené il y a un mois, deux mois, et à chaque fois qu'il est là, c'est des émissions super chaudes, super lourdes. Et voilà, il est là, Isno. Comment tu vas, Isno? Salut, la famille, ça va, oui. Il est là, c'est le mec qui met le feu dans... Et pour l'instant, il paraît bien calme, mais ça ne devrait pas durer. Voilà, tu sais, on débute, on commence. Y a-t-il au programme Case ce soir? Est-ce qu'on va découvrir un inédit? Bien sûr, on va écouter, il y a un morceau qu'on a mis sur YouTube avec MRC, un jeune rappeur, voilà. Et on a fait un big son qui s'appelle Mété 1, c'est sur YouTube depuis vendredi, allez checker le clip. Et là, on va commencer direct avec ce titre. Et c'est extrait, évidemment. Extrait du projet. Exactement, heureusement que t'es là, Fred. Ouais, j'ai encore un peu de mémoire. Du projet qui sort le 3 juin. Ouais, voilà, l'album le 3 juin, DJ Case. Donc, voilà, big album pour l'été. Et c'est très bon. Dans deux semaines à peu près. Je vous laisse au contrôle, les gars. Yes, direct. C'est parti, Case au platine, Isno au micro. Yes. Coup d'envoi de ce Rail Suprême. Minuit, 2h. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Yeah.

femme qu'on s'est négo. Para, tu vois les parages, le mal à Donka. Le pôle le NF réseau à la place du pare-balle. Ici c'est IZ de nos 45. On le vieux, les rails suprêmes de Dieu de Kaze. Tous ces enfoirés chez qui passent au marouin, c'est pas ta mentie. J'ai pas de fiche de paix, je connais pas mon salaire, mais je parle des boutiques. On m'a dit qu'à plus vite la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde, fiston et puis fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Déjà, fais le mou, fais le mou. L'ascension est phénoménale. J'suis venu prendre mon bif poliment. C'est le maestro. J'mets trois coups de tête, deux pour marquer, un pour toucher. J'traverse la piste, y'a que des fous. Minimum avait touché. Tu veux une top, j'te fais kiffer. Tu parles de l'autre, j'sais pas qui c'est. Ma vie est faite de plats épicés. De grosses voitures, de femmes métissées. Comme au Brésil, les jeux sont lissés. J'ai rencontré ma femme au lycée. Père de famille, j'suis venu la glisser. Et tu te demandes encore qui c'est. C'est le maestro. Si j'en fais trop, pardon, je sais. J'crois que c'est le succès. Je n'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. Talent gâché, Jésus cravaché. Je me suis arraché, arraché, arraché. J'y ai cru quand ça ne voulait pas marcher. On y go. J'suis pas ton idole, j'suis pas ton pendant. On y go. C'est juste du son, juste du pendant. Hashtag Rice Suprême. On y go. En live des Sucres. Tu donnes ce que tu peux. Pour un chien, vous allez danser ce soir. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Respirez la famille. Montez le son. Bougez, bougez, bougez. vous êtes trop chaud. La recette n'a pas changé. Le cultif, la plage et les ghettos. Sachez-le derrière les platines. C'est DJ Kaze, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. On Skyrock. Hey, les internautes, tous ceux qui écoutent, on veut de la chaleur sur les réseaux. Aïe aïe aïe aïe. Hashtag Rai Suprême. DJ Kaze. Bye.

end up. Shocky, shocky, Mr. Al-Qaeda, baby, dancing for me, end up. End up. Shocky, shocky, Mr. Al-Qaeda, baby, dancing for me, end up. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. With everybody, then they call me chick. I know they carry boss like a bullion. Well, if you give me dance, you go chop deep. Baby girl like a billion. Ce rail suprême, ce rail suprême est spécial. On annonce le 3 juin, le 3 juin, l'album de DJ Kayz. Je veux voir tout le monde sur les réseaux sociaux. Affolé. J'ai dit saute en l'air. Affolé. Saute en l'air. J'ai dit saute en l'air. Affolé. Saute en l'air. Avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Putain hey, j'ai dit putain hey. C'est Vegeta sale putain. J'suis dans ma sphère 45. Le plus aimé, ce n'est pas un mystère. Le niveau l'on écoute, le son de la caisse claire. Tu fais la meuf exemplaire devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au vos airs. Tu fais la meuf droite, t'es perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis tu veux rien faire. Putain. Ah, t'as compris. J'inspire la musique dans ma vie, je respire, c'est normal au corps que j'aspire. Alors, ah, une vie meilleure pour les reurtis. Ah, partir d'aujourd'hui, j'évite les orties. Ah, pour ceux qui ne sont pas sortis, grosse peine amortie qui n'est pas assortie. Ah, on a tous peur de la mortie. Et tu le sais, le temps perdu nous a blessés. DJ Kayz nous donne rendez-vous le 3 juin. Et moi-même aussi, ils aident à nos 45 G. On rate rien la famille. N'oubliez pas, 3 juin. je ne le dirai pas assez. Elle se prend pour Rihanna. Elle ressemble à Biona. Espèce de con. Benga, benga, mi amo. Piña colada, chicha, menti, signor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. Minuit 2h dans Rail Suprême, c'est Skyrock. Vas-y, danse. Faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trop tiner. Je fais genre attitude, mais à deux doigts de queener. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal. Sexy, élégante girl pour elle. C'est normal. Son charme fait de nous des sauts. Pas de sa taille. Elle sait comment mener les sommes pour elle. C'est normal. Les amis, John. Clarty. Les fesses rachons. Papa, la vie de pourri qu'elle a. Papa, DJ K. C'est pour me rendre. Every man say baffy come along. Coffee and sun tanning at the summer sun. If you want to play champ, come back home. Coffee and umbrella at the sun above. See that girl, them a bring it down. In a bikini, them in a pretty town. Hashtag Guy Supreme. You know, shy girl, bring it come. If you have a fool, man, get it on. Both more may come from me now. Pretty girl does a pose like Tommy now. And the tongues, them a rub them down, you know. In a the shade, with straight back from me now. Uptown full of fun, you know. We are going on Cherry Garden Dream Weekend coming on Middlesbrough Jackson Smash, I got done, you know. Sur Rail Suprême, réveillez-vous, vous êtes sur Rail Suprême avec DJ Kaze et ZDNO 45. Controller. Viens foutre la merde, c'est toujours les mêmes. Avec Fred et DJ Kaze. On se remet dans ton lambeau. Tu t'es fait avaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les temps, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et ta belle est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle Yas, Rolls Royce. Pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, black cars I whip. On compte en l'air, big money I flip. Y'all gon' make me go all out. bon, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, j'ai dit DJ Clay. A tous ceux qui n'ont pas connu cette époque, ouvrez bien les oreilles. Pour pas que les viseurs me tricardent. À l'entrée ça refoule, on accepte pas les fêtards. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe pourquoi m'amuser, prendre la bouteille et t'aller sur un canapé. Reste en roulant, toc, toc, et sur la piste. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 3 juin, sachez-le la famille. Hashtag Rise Supreme en live de Skyrock, IZN au 45 G. Dans la salle, les 3 quarts en la coste, le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, c'est nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas des. Pousse le son, pousse le son. Entre Jack, on donne ça à l'ancien comme au bon vieux temps. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous, c'est que te rappelle du ghetto. Jackpot, jackpot, oh yeah. C'est du salement propre, salement propre, salement propre, DJ Case. On est dedans, on écoute, DJ. Le festival touche sur la piste comme ça, ok. Toc, toc, toc, c'est comme ça. DJ Gaze, qu'est-ce qui t'arrive? Aïe. On jaille, moi, ça la famille, Skyrock. Comme mes guises sous le casque, mais calcule pas, je suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil, ils sont toujours en bande. Dans la poche, le cran d'arrêt, dans les dents, ça tout bang bang. J'suis snooné, j'ai du mal à dire mes amours. Tout dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13 poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigandes. Picha, en picha, allume le bon char. Un peu de weed dans un bon cas, que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard, en marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. La sueur du cambouis sur les mains, je viens te réparer une courroie. Baby, ha baby, j'ai les idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit en bas. Et toi, je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées. Je suis trop préoccupé, je suis comme un stade là, c'est vrai. Si tu t'en concernes, écoute ce refrain, si ça peut t'apaiser. Écoute ce son, si tu t'en concernes, écoute ce refrain, si ça peut t'apaiser. Ouais, la famille. La famille. Le building. Les buildings. La plage. Le ghetto. DJ Case en donne à tout le monde. Jusqu'à l'espace. Sachez-le. Tu fais le héros. Mes potos, je t'ai dit, tu n'es qu'un petit connard. Tu fais le riche, mais de la monnaie, t'en as pas. Tu veux faire confiance, mais tu vois que des bâtards. Tu fais le polygame. Mais zéro, madame. Des bleus vers ton armoire. Mais est-ce que t'as ça? Maté ça. Toute la soirée, laissez-moi dans mon délire. Est-ce que sinon, si on fait de l'idée? Trop de monnaie. Décale-toi d'ici. T'as déconné, je te viserai comme ton mec. Aïe aïe aïe. Ton mec a pas de boy. Aïe aïe aïe. Tu veux te tailler. Ça assume pas. Les vers c'est danger. Ce soir je mange aïe. Toute l'équipe est chaude. Ça va faire scandale. Quand j'ai pas fait chaud. Pourquoi tu me regardes? Moi j'ai les pinceaux. Si tu veux faire la durée. Qui vous enjaille? Ils aident au 45G. J't'ai déjà pécho. Ciao ciao. Ce soir je vais manger aïe. Bye bye. J't'ai déjà pécho. Ciao ciao. Ce soir je vais manger aïe. Bye bye. Tu voulais méga les mettre. T'es pas mon ami mais t'es qu'une. T'as la tête qui tourne. Mettez. Qui voulait une équipe? Mettez. Tu voulais méga les mettre. Tu veux du DJ Case? T'as la tête qui tourne, mettez un. Juste pour tous les jaloux, levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. On va te voler. Bali comme un lama. Oh, ouais, tu m'aimes. On est en direct de Skyrock, la famille. Avec DJ Kyle, c'est vrai, c'est prêt. Et de 1, ce soir c'est la cata. Et de 2, belle et cassée bata. Et de 3, je me tape de tout décal. Je vais faire que n'est des dégâts. Allez, vas-y, montre-toi. Vers la gauche et vers la droite. Mais dis-moi, c'est quoi, c'est pas. Tu danses, tu galères, on ne sait pas. Allez, visez-moi, pao. Allez, visez-moi, pao. Allez, visez-moi, pao, pao, pao, pao. Tu m'as cherché, mais j'étais toujours là. Espèce de misto, tu penses qu'au dollar. Personne veut de moi comme si j'ai Ebola. Regarde-moi, dis-moi, est-ce que t'as ça, ça, ça, ça. Hey, ça, MRC ça, que des batailles. Justin Record. C'est la baraka. Tu veux des loups des câbles, hein, même, tout. Rendez-vous le 3 juin. Je vais le répéter, je vais le répéter. Le 3 juin. Fais que tirer comme des guns. Tu dis que t'as une femme, t'en as pas. T'as même pas de poteau dans la porte. Personne ne sait danser, j'en ai marre. T'es mal fait devant toi, est-ce que t'as ça, ça, ça, ça, ça, ça. Que des batatas. J't'ai déjà pécho, ciao, ciao. Ce soir j'vais manger, aïe, bye, bye. J't'ai déjà pécho, ciao, ciao. Ce soir j'vais manger, aïe, bye, bye. Tu voulais méga les mettre, hein. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une, hein. T'as la tête qui tourne, mais t'es, hein. Tu voulais une équipe, mais t'es, hein. Tu voulais méga les mettre, hein. T'es pas mon ami, mais t'es qu'une, hein. T'as la tête qui tourne, mais t'es, hein. Juste pour tous les jaloux, lever les mains. Hashtag Rai Suprême, la famille. Restez branchés. On est avec le DJ le plus lourd. Qui soit ici, la famille, sachez-le. En live de Skyrock, ils étaient nos 45. Orly's. Boum! Ah bon? C'est Skyrock et dimanche soir, c'est Rai Suprême. DJ Kate est au platine, Isno est au contrôle. J'avais prévenu, Fred. Ah là, ça, là, déjà. Là, on a pris quelques degrés là. Hein, depuis... Chaleur. La clim, alors, ça me pétait les plombs là. Depuis le début de l'émission. On est en train de chauffer. Donc, comme vous pouvez le voir, Rai Suprême, c'est, on met vraiment une ambiance de soirée de folie. En plus, exact. Là, il y a un ambianceur. Ouais, voilà, ça déchire. Je sais pas, Isno, c'est quoi tes réseaux sociaux? Oui, Isno, où est-ce qu'on peut... Tous mes réseaux sociaux pour Twitter, Instagram, Snapchat, IZNO45G. Et voilà. C'est en ambiance, en ambiance, en ambiance. Encore un produit de Orléans. Encore un gars du 4-5. Voilà, qui est 4-5. Et d'ailleurs, on a écouté aussi un morceau à lui qui est sur mon projet qui s'appelle Vriller. Exactement. Voilà, il l'a interprété en live, en exclu. Et on s'est régalé. Et franchement, c'est lourd. C'est très, voilà, très lourd. On rappelle que le projet sort le 3 juin. Le 3 juin, ouais. DJ Kays, l'album, le 3 juin. Donc, en précommande dans une semaine avant. Donc, le 20. Ouais, c'est ça. Bah là, ça y est. Coup d'envoi cette semaine, quoi. Ouais, coup d'envoi cette semaine. Le meilleur album de l'été, hein, quand même. Faut souligner. On va gérer ça. On va faire. C'est bien, Isno. Ah, il est là, le vent, le. Tu l'as bien mis là. Tu l'as bien mis. Regarde. Attends. Non, c'est un très bon album, vraiment très métissé. Il y a de tout. Franchement, ça, il a des bonnes couleurs. Et il y a, voilà, des couleurs vraiment d'été. De, voilà, c'est pas agressif. C'est très doux, très cool et très ambiancé. C'est vraiment, tu mets le. L'idéal pour les vacances. Voilà, exactement. Voilà, dans la voiture, tu laisses tourner, ça déchire. Surtout, je dis pas ça parce que c'est DJ K, je dis ça parce que c'est un DJ, un vrai DJ qui, voilà, qui fait le taf. Parce qu'il y a des faux DJ. Oui, il y a des faux DJ. faut le dire, il y a des vrais et des faux, tu sais. Il y a les DJ MP3, voilà. Il y a les DJ sans les mains. Quoi que je suis avec mon ordi, mine de rien, moi aussi. Et ben, on va revenir dans un instant avec vous tous les deux, si vous voulez. Allez. Bien. Session de Rai Suprême, DJ K, Isno au contrôle. Suprême, minuit, 2h, DJ Kays, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. انا والغرام باي باي يا نقولها ليك طاي طاي تبعتي الهضره والكلام ريزلت والو يا كنت نبغيك بالهبل شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو خليك للحلال ما درنا والو كدير الكافي يا مرض غافي عشقك مداري وزيت البانسي وانا مناسي وما درنا والو كنت תגיד כמי עמוד דמבי מה שחק מדגי עושי תפסי ואין אמנסי ומדג נוודו Malgré les sorts, y'a merie, malgré les sorts Dis-moi, fibéli, gade l'espoir J'en qui connais, les bleus à dienne, qu'aiment l'histoire J'en qui connais, les bleus à dienne, qu'aiment l'histoire Malgré les sorts, y'a merie, malgré les sorts Dis-moi, fibéli Gardez l'espoir J'en qui connaît Les bleus à dienne Que nous l'histoire J'en qui connaît Les bleus à dienne Que nous l'histoire Que dégue ta vie Amour de ma vie Un truc me déglie Ou si t'es pas ici Ou en aimé Si on me déglie Ou en aimé Que dégue ta vie Amour de ma vie Un truc me déglie Ashqat medegli Wensi te passi Wana manasi Wbedegna walu Kedega kavi Amo da ma vi Ashqat medegli Wensi te passi Wana manasi Wbedegna walu Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Chez moi, tu promets ton labrador, Monica. Alors, on y va, Monica, on y va. Reveta, Monica, t'es si jolie, Monica, belle, Monica. Reveta, Monica, t'es si jolie, Monica, belle, Monica. Je vais l'ouvrir à mes yeux

dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodas. Wesh, Lina! Ni à la Coris, ni au McDonald's. C'est ceux qui ont raison, je sais pas raisonnable. L'enfant dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir, c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le règlement tous une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des alertes en prison, certains n'en reviennent pas. T'as compris, Skyrock, Rail Suprême, Rail Suprême, minuit, 2h, Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Et un fleur numéro 10. C'est pas que je veux faire qu'à côté, mais non, je te laisse pas mon numéro miss. Je dois mettre l'oseille de côté. Ils sont tous au star, mais en mise. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de Ben. J'suis riche, m'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escorté, pushka dans le top case. Nique sa mère qui veut test. J'suis tout spooky, mais j'vous baise. J'vous donne rencard à l'évrée. J'reste juste au-dessus en train de crailler des fraises. J'suis en attitude, les gros changements d'attitude. Ego. Comme d'habitude, je piétinerai plus ce sale bitume. Lego, je suis en altitude. Hey, comme d'habitude. DJ Case, Rail Suprême, la famille. Ils étaient dans 45. Laisse-moi essayer, dis-moi comment c'est. Dis que ça n'a même pas encore commencé. Que Blacky, on a trop manigancé. Putain, on va pas recommencer. Le chemin pour nous est accessible. Nous dépasser une déco, c'est impossible. Impossible, je suis bien pour commettre des homicides. My nigga, j'en fais du mal. Depuis peu, je me suis fait la malade. J'ai appris que qu'il fallait faire la malade. J'suis impliqué dans un délire de malade. Dans un délire de malade. Ne me raconte pas des salades. My nigga, que des salopes. Ça sortit vite et tu galopes. My nigga, j'suis en altitude. Des gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude. J'pétinerai plus ce sale bitume. Lego, j'suis en altitude. Des gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude. Skyrock, radio numéro 1 sur toutes les ondes. Tu connais, hashtag Rail Suprême, mon ami. La plupart sont des mythos. Ouais, ils sont des mythos. J'pars sans faire demi-tour. Ils ont jamais rien fait, mais ça vend des mythes. C'est vrai que les gens sont devenus chelous. Chez moi, la brebis a braqué le loup. Même le guépard s'est fait mettre à genoux. Les haineurs voient bien, même sans un flelou. C'est vrai que l'être humain, il est mauvais. Il est pas écolo comme José Bové. Il pense qu'à faire des lovés. Et il se repentit que quand c'est coffré. J'ai sorti les bouts de chemise. Ah bah non. Ma journée commence en minuit. Ah bah non. Rail Suprême. Minuit, 2h, sur Skyrock. Ma journée commence à minuit. Et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf. J'veux ma piaf, gonfler ma liesse, poser dans l'IAF, comme maman mia. Et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf, et ouais j'ai piaf. J'veux ma piaf, gonfler ma liesse, poser dans l'IAF, comme maman mia. Je le sais, tu me trouves belle âme, mamzelle, mamzelle. Et qui de nous deux tient parole, mamzelle, mamzelle. Le pouvoir d'achat qui t'assomme. Skyrock. Tu deviens 500, souriant dansant, je te trouve attachant. T'as un Fiat 500, t'es oppressant. Quand t'es profil, on dirait Kardashian. Skyrock. Tu deviens 500, souriant dansant, je te trouve un peu chiant. Eh ouais, j'ai piaf, eh ouais, j'ai piaf, eh ouais, j'ai piaf, eh ouais, j'ai piaf. Je veux mon piaf, gonfler ma liasse, poser dans l'IAF, comme ma mamie. Eh oui, la famille, comme on vous l'a dit. Et je le répète, et je le répète, et je le répète. Rendez-vous le 3 juin cette année. Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Papa finilé. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Mais j'arrêtais un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans ma Instagram est suprême. DJ Kay, ZZLO 45G. Skyrock. Vous allez bouger. This better have my money. Y'all should know me well. Suprême. Minuit, 2h. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. DJ Case nous fait transpirer la famille. Sachez-le. Sachez-le. Si tu veux d'ambiance comme ça, c'est le 3 juin, le 3 juin, la famille. Et je veux de la réaction. Instagram Suprême. En live de Skyrock. La famille, on est en live de Skyrock. On commence doucement, monte la pression. C'était le style. Ambiance. Tu blesses de l'homme, PCPG. Elle se repoudre le nez. Une ancienne Cosette, c'est une nouvelle feuille. Pose ta bouteille, c'est la gratuité. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est la gratuité. Mon gars est de ses cas, grand big up à toi mon frérot. Hey, c'est comment? Instagram G. Get him out. bara bara bara bere bere bere bara bara bara bere bere bere bere bara bara bara hey bere bere bere Grand Chibrin Alex Ferrari fazendo DJ Kays bara bara bara bere bere bere bara bara bara bere bere bere bere bara bara bara bere bere bere Ambiance parisienne dans le 45G. Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. A tous mes frères maghrébins, à toutes mes sœurs maghrébines. On est ensemble. On live de Skyrock avec Izadeno Style. Bill in his, I'm not a scene, Emily. avec Fred et DJ K sur Skyrock. Hashtag Rai Suprême, Isabelle 45, DJ K. Famille, on ambiance le rail suprême de DJ Kayz aujourd'hui. Ça, c'est le. Rail Suprême sur Skyrock. Rendez-vous le 3 juin à la famille pour un album salement propre, sachez-le. À tous les continents, à tous les continents du monde entier, la famille. Branchez-vous. باقي نشوج انا باقي نشرب انا خايف نحصل انا اي باقي نشوج انا باقي نشرب انا خايف نحصل انا فاطمة زوينة عيشة حنينة ندي هادي ولا هادي فاطمة زوينة عيشة حنينة ندي هادي ولا هادي Rendez-vous le 3 juin à la famille avec DJ K. there on the beat. الناس ماشي كيف الناس فيهم ذهب فيهم نحاس حنا يا ما مناش كلامهم هاشتاق غاي سوبريم ماشي يا نحاس باللي الناس محملين الناس وما كان ينباس هادي حياتنا ماشي حياتهم ربي حاسبنا وما مالهم حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير قاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول الناس جابت لينا حرق الراس احنا حلالنا ماشي حلالهم وعمرنا ما كنا بحالهم كلامهم قرطاس وانا معاك دي ملباس احنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وممالهم انا قلبي فيه فيبريشن حبك مكاين فتاشي نيشن ويلي ويلي شهد الاموشن حبك لي كاين ومكاين ما احسن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم ما بيبي جول تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم Rendez-vous le 3 juin avec DJ Kays, la famille. N'oubliez pas l'hashtag Skyrock. Faites-moi bouger cet hashtag. Rise Case, la famille. C'est pas moi. Tu fais le riche mais de la monnaie t'en as pas. Tu veux faire confiance mais tu vois que des bâtards. Tu fais le polygame mais zéro madame. Madame, madame, des bleus verts t'en as marre. Mais est-ce que t'as ça, mais t'es maté. Le clip est sorti, le clip est sorti, le clip est en ligne. Attention la famille, allez checker ça sur YouTube. Pour le nouvel album de DJ Case le 3 juin. Aïe, aïe, aïe, tu veux te tailler. Ça

Rail Suprême. Minuit, 2 heures. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Yeah. Compter, ils savent tous que je suis coté. Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis le faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaïs. Je suis sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe c'est les chichas avec Aïcha Andisha. Déjà la fin de ce Rail Suprême, merci à vous deux. En tout cas, Case était au platine, Isno au contrôle. Merci à vous, on a passé une super soirée. On a vu que les gens étaient au rendez-vous. Ouais, donc l'album DJ Case, c'est le 3 juin. Oui, ça approche. Voilà, gros big up à Fabien aussi. Qui est, n'oubliez pas, hashtag Rail Suprême et sur le Twitter Rail Suprême. C'est donc sur Twitter. Et moi, mon Twitter, c'est I am DJ Case. Ah, ça a changé. Voilà, un nouveau Twitter. Ouais, voilà. Donc I am, I-A-M DJ Case. Et. Et Isno, on va rappeler aussi toi. Isno 45G sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'ambiancer une soirée, le gars arrive. Voilà. Exactement, le mec, voilà. Il est là. Et vous en fait monter les températures directes. Je me suis bien éclaté ce soir. Et ben nous aussi, merci on vient. À vous, les gars, et on revient la semaine prochaine. Merci Isno d'être passé. Merci. À très vite. Merci à vous Skyrock. Et puis on note bien le 3 juin la sortie. Juin, voilà. Et puis les différentes soirées aussi, Case. Il hein, faut bien aller sûr, voir ouais, sur les réseaux sociaux, sur la page fan Facebook DJ Case, sur Instagram DJ Case Paris. Instagram, c'est pas mal, ça bouge bien, j'aime bien. Ça te plaît, chat, hein. DJ Case Paris aussi. Periscope toujours pas, c'est trop dangereux comme application. Pour l'instant t'as interdit. Pour l'instant t'as interdit. C'est trop deux acharnés. Trop dangereux. Merci à vous en tout cas. Quelques jours avant la sortie de l'album, je ferai un Periscope. Un petit Periscope. Voilà, et que où je vais faire péter tous les sons de l'album. Et je sais que je crois qu'on est en planète rap la semaine du 3. C'est vrai. Du 3 juin. Exactement. Et bon, on fêtera ça. Eh oui. Merci à vous deux. Merci Case. Merci la famille. Merci Isno. Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau Rail Suprême. Ciao.